Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus aussi nombreux pour écouter l'ensemble Farigoul. Alors, Farigoul qui va nous interpréter des chants sociaux et politiques en langue occitane. Alors, pourquoi la Farigoul au Sierra? Le Sierra s'intéresse à tout ce qui est lutte sociale et politique, ça c'est classique, hein, des anarchistes y participent ou non, mais des luttes nous intéressent. Et pourquoi la langue occitane? La langue occitane, un petit résumé de cette langue qui était parlée dans un tiers du territoire français, entre 33 et 39 départements, était très parlée jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais après, l'État français a fait ce qu'on peut appeler un linguicide. Bon, c'est moins grave qu'un génocide, mais quand même, supprimer des langues, c'est pas terrible. Et en France, il n'y avait pas que du français, il y avait d'autres, il y avait l'occitan notamment, mais aussi du breton, du catalan, du néerlandais, etc., etc. Donc le linguicide a été assez efficace, puisque on n'entend plus beaucoup parler occitan de nos jours. Heureusement, ceux qui maintiennent la flamme, ce sont notamment des musiciens, des acteurs et puis des enseignants avec les calendrettes. Et donc bravo à la Farigoul qui permet que cette langue ne meure pas complètement. D'après les sondages, entre 100 000 personnes et plusieurs millions parleraient ou comprendraient l'occitan de nos jours. Et pour ce qui est des rapports entre l'occitanisme et l'anarchisme, on a quand même quelques personnages à citer. Henri Nère notamment, qui faisait partie du Félibrige. Le Félibrige n'est pas qu'un ramassis de réactionnaires royalistes, il y avait aussi des gens très engagés à gauche, comme Henri Nère, anarchiste, et Louis-Xavier de Ricard, du côté de Montpellier. On peut citer aussi Victor Gélu, poète marseillais, qui était assez engagé et qui écrivait des poèmes en provençal marseillais. Et puis dans les années 70, on peut citer deux revues, Poblédoc et Occitania Libertaria, qui s'intéressaient au sujet. Quant à nous, au CIRA, en mai 2005, on a fait venir Alessi Del Umbria, qui a fait un exposé sur les luttes populaires en Provence et en Occitanie. Et en 2018, on a fait venir Alain Camelio, un chercheur qui a trouvé le texte d'une pièce. En occitan, une pièce assez revendicative, écrite par un syndicaliste révolutionnaire de Sète dans l'Hérault. Et puis, à plusieurs reprises, on a fait venir, enfin, oui, plusieurs reprises, Misé Babia, un chœur de femmes qui chantait des chants occitans. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'ensemble, la formation, je ne sais pas comment vous appelez, Farigoul. Avec Marius, Mathias et Nicolas, mais je vais vous lancer. Dans quel ordre alors? Nicolas. Nicolas, Marius, Mathias. Donc je vais vous laisser vous présenter vous-même, comment vous avez découvert ces chants, d'où ils viennent et tout ça, sachant qu'ils ont imprimé, enfin on a imprimé, un petit fascicule où. C'est pas bilingue. Petite lettre. Voilà. Donc, le fascicule des chansons, vous pouvez suivre comme ça. Et puis, ceux que ça intéresse, quand on avait fait venir Alain Camelio, on avait demandé à un copain de nous traduire la présentation du Cyran d'Occitan. Alors, les infos à la fin sont plus valables, mais le texte est pas mal. Prenez-en deux ou trois de côté pour vous. Donc, je vous laisse la parole, mais assez posée. Je te montre tout là-bas. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup au CIRA pour cet accueil très chaleureux. Merci pour cette présentation aussi très complète. Merci. Et donc, nous sommes Farigoul. On va vous proposer un répertoire de chants. Sociaux et politiques en occitan. Nous sommes donc composés de Mathias, Marius et moi-même Nicolas, comme indiqué pendant la présentation. Et c'est Marius, c'est à l'initiative de Marius qu'on a été réunis autour de ce corpus de chants. Voilà, c'est un corpus de chants, donc... Chazelle. Oui, bah, complètement. C'est vrai. Et donc, ce corpus de chants, il y a des chants qui ont été collectés et d'autres chants qu'on a composés, dont on a composé les mélodies. On a arrangé un petit peu plus, vous allez entendre ça. Comme indiqué, vous allez pouvoir suivre les textes, et à chaque chanson, il y aura une contextualisation historique, géographique, linguistique, qui sera faite par mes camarades, à qui je laisse la parole. Merci. Je n'ai pas trop grand-chose à dire d'autre. Non, c'est rigolo, parce qu'avec Fleur de Barricade et Lorenzo, on était venus ici il y a 4 ans, chanter, c'était juste après le confinement, c'était super chouette. Et ce projet-là, en fait, il est un peu proche de ce qu'a fait justement Fleur de Barricade, à savoir trouver des chants sociopolitiques, mais cette fois occitans. Et donc, voilà, faire ce travail de recension et puis ensuite de composition pour ces textes qui n'ont pas le plus de mélodie, quoi. Pour la première chanson, on va commencer en Aveyron. Alors, juste un petit mot. Il y a un chapeau à l'entrée, c'est pour les musiciens. Donc c'est comme du clip, c'est un chapeau. Bah, du coup, c'est plus à l'entrée, c'est juste à la sortie. Non, il n'est plus à l'entrée, il s'est déplacé là. C'est un chapeau volant. Pour la première chanson, c'est Dallas St. John, c'est une chanson voilà, qui va parler de l'été. Ce qui peut paraître un peu surprenant pour commencer un répertoire autour de la critique des maîtres. Une chanson qui, Mathias a expliqué un peu, c'est pas une chanson vraiment de lutte, loin de là. Il est question de critique, de moquerie, mais ce que j'aime bien, en fait, c'est surtout que les premiers couplets, en fait, il y a toute la poésie populaire, paysanne, en fait, qui est exprimée avec le coucou qui chante, le coucou, pardon. C'est normal. Le coucou qui chante, bien sûr, là, il pleure, il y a ses coucou. Donc la collision de cocu, voilà, il y a la Saint-Jean qui arrive, ça, on sent que ça fait bouger les corps de ces paysans qui vont aller travailler. Il y a aussi le temps qui se manifeste avec le tic-tac de l'horloge. Et puis après, tout de suite, voilà, le couplet assez véhément sur les maîtres. Donc, moquerie à l'égard des maîtres et des maîtresses. Alors c'est quoi le contexte, Mathias, de cette chanson? Explique-nous. Du coup, c'est un chant qui était chanté au moment de mettre le feu au brasier de la Saint-Jean. Pas trompé. Et à ce moment-là, c'était la saison, on était en pleine saison des moissons, et c'était aussi le moment où les saisonniers et travailleurs agricoles changeaient de maître, pouvaient changer de maître. Donc un employeur aussi pouvait se séparer d'un saisonnier qui ne travaillait pas suffisamment bien, mais c'était aussi l'occasion de retrouver un autre maître. Et c'était un moment où ils se rencontraient, où ils se donnaient les tuyaux aussi, et où ils parlaient de leur maître. Et c'était aussi, vous allez voir, les paroles sont parfois assez cruelles. Hein. À l'égard des maîtres, des maîtresses aussi. Des maîtresses, oui. Le maître pourrait s'emparer à un cheval de guerre. Et dans certains couplets qu'on n'a pas forcément conservés, les maîtresses pourraient comparer à du bétail qu'il fallait engraisser avant d'éviter de vendre sur le marché. Donc on ne va pas vous les chanter, ces couplets-là. Et du coup, ça fait partie des premiers chants de notre répertoire qui parlent plutôt des conditions de travail. Et avant d'aborder des chants plus directement politiques. Donc c'est une pastourelle, donc c'est une chanson de berger, de bergère. Pareil, donc c'est pas un registre de lutte, c'est une forme extrêmement ancienne de chanson. Il y a des dizaines et des dizaines de couplets qui se chantent dans tous les sens, donc il n'y a pas une organisation très précise de ces couplets. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on peut trouver aussi une forme musicale, populaire, paysanne, qui est assez ancienne. Au niveau de la mélodie, il y a quelque chose qui a l'air d'être extrêmement vieux, extrêmement moyenâgeux, on va dire ça comme ça pour résumer, mais avec des paroles extrêmement crues et cruelles en fait à l'égard des maîtres et des maîtresses. Pourquoi? Parce que on est en, et ça sera aussi le quelque chose qui va être répété, on est dans quelque chose de parodique, c'est une ironie. Et une chose que les paysans et paysannes maîtrisent quand ils voient des grands de ce monde, c'est l'ironie et la meilleure façon de se moquer de elles et eux. Et donc, c'est ce que fait cette chanson, Bello San Juan. Il y a des aléas du direct. Yeah. la plus démestrée. Un chant de moissonneur. C'est derrière. Tout à fait, Mathias. Un chant de moissonneur. Que j'avais découvert dans. Interprété par Tournamaï, qui est une formation des Cévennes, qui a disparu depuis cette formation. Et un collectage par un vieux qui chante cette chanson, qui est magnifique, Yves Rouquette, qui est un mec assez important dans le monde occitan, parce que. Et peu importe. Et assez impressionnant, une mélodie assez empreinte d'une certaine gravité et une mélodie, on ne sait pas trop en fait si c'est une mélodie de chant de travail ou si c'est une mélodie de marche ou de migration. En tout cas, ça part de cette migration qui a lieu l'été. Et en fait, il y a des villages entiers qui se dépeuplent, notamment de leurs bras valides, puisque des millions de personnes vont immigrer à travers la France pour faire quoi ? Pour travailler dans les champs, se louer à des fermiers. Et donc, ces gens-là, ce sont des moissonneurs. Et donc, dans cette chanson, au niveau de ce contexte-là, c'est des gens qui vivent donc, dans le Rouergue et qui vont travailler, qui vont parcourir en fait, le Pays Bas. Et le Pays Bas, c'est le plat pays. Donc, c'est le Bas-Languedoc, si vous voulez. Ils vont commencer les moissons au mois de juin là-bas, puis ils vont remonter jusque dans les Cévennes. Et quand ils arrivent dans la Massif central, ils font la rencontre d'un patron. Un fermier avec lequel ça se passe pas très bien. Et le patron ici, dans l'imaginaire paysan, en fait, il est qualifié par des figures d'animaux. Donc c'est l'animal, le patron, mais c'est aussi le bouir. Il va revenir souvent ce terme de bouir. Et le bouir, c'est le paysan montagnard, c'est le bœuf gras, pardon. C'est le gros bœuf, en fait, qui est très lourd. C'est assez péjoratif comme terme. Et donc, pourquoi ces paysans et ces migrants en fait, qui travaillent dans cette ferme le qualifient de bouir, c'est parce qu'en fait, il est avare et cupide. Dans cette chanson, vous pouvez le voir dans les paroles, il est surtout question de nourriture. Le bouir est mauvais parce qu'il donne des repas médiocres à ses employés, aux saisonniers. Et les repas collectifs pour les saisonniers, ça fait partie de la rétribution du travail. Le dernier de ces repas, la ribote, se devait d'être généreux, abondant. Et puis là, dans les champs, il est question de brebis goitreuses, de brebis malades, de pieds pas lavés, de têtes pas roulées. Donc il y avait une technique pour la tête. Il fallait rouler la tête. Pour la manger. Pour la manger. Donc, et blasphème d'entre les blasphèmes, à cette époque-là, l'exemple de charcuterie. À table, ça montrait vraiment l'avarice des maîtres, le mauvais traitement des travailleurs agricoles. Et puis voilà, des menaces qui sont très franches, être indirectes à l'adresser à l'égard de ces bouirs. Nous te ferons battre avec un bâton, ou ce bâton-là, à la main, où nous allons la faire travailler avec toi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des versions qui sont drôlissimes dans la mesure où, en fait, c'est comme le guide du routard, on va dire, des fermes. Dans lesquels justement le patron est sympa. Donc, ici on a fait bonbons, là on a fait ripas ici, là on mange des saucisses et des patates. Et donc vous avez tout le trajet en remontant les Cévennes, des endroits, des villes ou des villages où finalement c'est bien, c'est intéressant d'aller. Donc en fait c'est aussi un champ qui donnait des conseils à ces travailleurs migrants. Et ici, à la fin ça se termine par, je crois, des bouteilles de vin qui les font passer au-dessus de leur tête. Donc ça raconte aussi le plaisir, voilà, et un plaisir qu'il y a ces paysans, qui ont ces paysans de bien boire, de bien manger. Mais avant ça, allons à la montagne chez cet animal de patron. Allez à la montagne, enco de l'anima. nasa daigo manja de micha la Vem la vida, vem su ya, en vencer a la montaña. s'appelle Salon de Tagnols. Ici, je pense qu'il y en a certains et certaines qui doivent bien la connaître. Il est possible de me renforcer, de chanter avec les paroles. Une chanson de l'identité montagnarde, du coup, puisque quand elle a été composée par un homme d'église, il y avait un phénomène d'exode rural qui avait cours toujours en Aveyron, là on est dans l'Aubrac. Et donc, rien de mieux que de faire une chanson en mettant en antagonisme, en présentant deux groupes sociaux différents, les montagnards, donc des gens un peu bourrus, un peu frustres, voilà. Et de côté, les coustoubis. Les coustoubis, c'est plutôt les gens des vallons, des plaines, des combes. Et donc, il fait une chanson assez chouette là-dessus, qui va être beaucoup reprise, notamment par des syndicats d'agriculteurs et de paysans, de la JAC notamment. Et de manière un peu surprenante, encore aujourd'hui, elle est chantée, elle est reprise. Et assez intéressante dans cette chanson, puisqu'il y a un peu la mentalité païenne de la paysannerie qui est illustrée. Notre seul maître est celui qui fait naître le blé l'automne et l'herbe le printemps, par exemple. Et surtout, un couplet assez étonnant qui parle des juges et des gendarmes. À savoir, ces gens-là, en fait, ils viennent des vallées et des combes, les laissent bien là où ils sont. Nous, nous faisons justice avec notre palme, et c'est un bâton. Donc, c'est quand même assez rigolo de voir un couplet, voilà, anti-flic. Dans une chanson écrite par un curé, un chanoine, pardon. Voilà. Comment la commence à lire, Vas-y. Je ne voudrais pas te retirer l'eau de la bouche. Ces montagnes savent l'indépendance. La bien, la bien, maraille, la gardare. Si a pas de règle en France, n'a autre ziré miaré. Si a pas de rey en France, n'au très irénare. Fasen justice à moi de Montagnolo, chef des Wingards, le chiche ni l'huissier, le corde de la guiole. Sur la terre, Caïman nous a enlevés. staccato. Auxilio brac da Bosnes, Gules. Che farà gelare il blanco al farà la samba della migliaia e fai un passo in encalla la samba della migliaia e fai un passo in encalla de la place pour la danser si vous voulez, si vous voulez, ne vous gênez pas. Pas de problème. Et donc, une suite de deux bourrées. La première, intitulée L'autre jour, il faisait chaud. Donc, c'est une... C'est super chaud. C'est un chant qui vient de Corrèze et puis qui fait partie de ces moqueries limousines, ces chansons qui permettaient, de, avec légèreté, de moquer le clergé et les bourgeois. Et ici, des questions d'un bourgeois qui demande son chemin à un paysan au bord de son champ et le paysan lui dit qu'il est hors de question, qu'il laisse son travail, soit pour un bourgeois ou même pour deux. Il ne quitterait jamais pas son labeur. Son labour, oui. Son labour, pardon. Donc, c'est pareil. Et puis on a décidé de l'enchaîner avec pas tout à fait une bourrée. Non, c'est un but au bam. Bon, heureusement qu'il y a Daniel Dodo qui a spécialiste qui a travaillé sa question, qui explique ce que c'est qu'un butoba. Donc c'est une danse qui ressemble à la bourrée, mais plutôt de l'héros. Et là, c'est plutôt un pot-pourri de plein de chansons, de refrains dansés. Donc c'est carrément une création, en fait. On s'appuyait sur une petite mélodie des Cévennes pour la faire. Et dans plein de chansons à danser, il y a cette figure de la Marianne qui revient. Donc quand des chansons qui disent « Je veux la Marianne, je l'épouserai, marrer son père, vive la Marianne, nous l'aurons. » Bon, oui, ça peut parler des désirs pour une bergère, pourquoi pas, mais en fait, c'est, le sous-titre, c'est « La Marianne », qui est une création occitane. Hein, c'est la figure de Marianne que l'on connaît, c'est un cordonnier, je pense, depuis Lorrain, un village du sud-ouest, qui a écrit une chanson pendant la Révolution française au départ, et qui s'est popularisé partout. Même Mistral, en fait, dans son dictionnaire, il dit qu'il y a une chanson insupportable que chante tout le monde, la Marianne, machin, et en fait, c'est vraiment une création de 1789-90, pas plus tard. Et voilà, il y a des gens qui expliquent très bien comment cette figure-là a pu dominer et être un symbole. Mais quand ces paysans parlent donc, du désir pour la Marianne, entendez-vous bien, hein, c'est pour la Révolution, hein, c'est... La République Révolution, en fait, avec ces des mots, en fait, qui veulent, en fait, pour eux, c'est à peu près le même sens, je pense, pour pas mal de textes ou même de chansons sociales et politiques. Il y a

Qui parle du dialogue entre la campagne et la ville, la campagne où on produit la nourriture et la ville où on la consomme. Le travail à la campagne qui est difficile, qui est répétitif, qui est exposé aux éléments. La ville, ça peut être effectivement le lieu de des réjouissances, de la fête, mais c'est aussi quelque part un lieu un peu hors sol par rapport à ses conditions, à cette proximité avec la nature. Et donc c'est un champ de dignité de tailleur de vigne qui retrouve de la noblesse dans ce fait d'être au contact intime de la nature. On y va. Ta caisse rende vous mati. Et pour d'autres, pour la race, ne baisse pas jamais la fille. Dans le camin fin, ça la rase sur le bazar, il va bien d'azer. Et traconus, qu'à la nade, même souillée, n'a pas ai pudà l'amor tranquillo ben pensat la vita che faciam venir l'ubintat ad arabillo sem pensar che així nos fratescusi sem pensar che així nos fratescusi. Gaire ventura sers mou marin coura buffo saipa und me bira me manco pasigamente me veni fuet a la gauto konus la na men suena na puda al puda la mo tranquillo en pensar na vige fasiam veni lum vinta na la villo sen pensar kai si nos patres cusi sen pensar kai si nos patres cusi amenu fresche me desbario soiro pu ca l'algaba Nas plus fort, sego a sego, finissi pas de tremula. Très esqué, la vie doit être dure, mais tout à quel eau frescure. Et tracodus, canana, mensoye, dana, puda, ay, puda, la mort tranquillo, en pensant d'un vigne et patient venir. Pintala na na bilo sen pensar kai si nos patres cusi sen pensar kai si nos patres cusi amelu suke si les palo a la nuei memba su fa sai pasiva zu dosino lu suke les paia hai Es que la vida es dura, mais tout à quel offre est puro. Et raconus, canana, mensuye, nana, puda, ay, puda, l'amour tranquilo. En pensant, ta vigne, faciam, veni, lupinta, nana, la vilo. Sen pensar, caixinus patres cusi, sen pensar, caixinus patres cusi, sen pensar, caixinus patres cusi, sen pensar, caixinus patres cusi. Bon, pour le coup, c'est un test qui est assez ouf dans la mesure où c'est un test qui présente la mentalité de la paysannerie à l'aube de la Révolution française, puisque c'est une chanson qui a été composée à partir des cahiers de doléances de l'Ariège. Donc c'est plutôt une recréation par Claude Marty, un chanteur occitan, moustache, instituteur, interprétateur, tout ça. Des années 60-70, il est toujours vivant. Il ne vous dira jamais que c'est sa composition, par contre. Voilà, donc l'idée c'était de prolonger cette expérience-là de poésie populaire avec des couplets d'une poésie pareille, cette fois de Aubagne, qui raconte la Révolution française à Marseille, en patois, en provençal, sur pareil, 40 couplets, c'est infini. L'idée c'est de prendre des éléments un peu de cette poésie-là et essayer de refaire un travail de création de couplets. En occitan. Et puis aussi avec, pareil, des choses que j'ai trouvées d'un cahier de doléances de l'Hérault. Et donc, pareil, essayer de retrouver un peu ces fragments spontanés, on va dire, d'expression populaire, paysanne, en 1789. Et donc, qu'est-ce que dit la chanson ? D'avant, ta caisse nous supplique à l'évaladaille, elle est plutôt en occitane. Devant ces messieurs, il faut lever la faux. Mike des Milan Moussa, que l'appelait plus des Milan, le peuple des France. Que le peuple de France. Fesse nobles et grands. Les nobles et les grands. Suse toutes sortes et savent. Tous ceux qui le savent. Sans jamais dire rien. Sans jamais ne rien dire. Sans jeter les mousses. Sans aucune remontance. Le peuple qui le peuple qui fait pas les valoucas. Ne peut lever la tête.

toujours pareil, toujours des yeux cassés. Sophie, l'oufan, Sophie, l'on martyr. Comme c'est babiole, d'en mérita. Une jour, nous plus malades, n'a qu'un vilain bestiou. Une jour, nous plus malades, à qu'est-ce vilain bestiou. Mais et puis on n'ose pas que c'est de la misère. Nous travaillons la terre quand nos cales sont gelées. Nous faisons bénir l'oublade que nous n'avons pas gagné. Dieu que du monde nous stale, la femme est fait la guerre. Dieu que monostale, la femme est fa la guerre. On va passer par une poursuite dans des champs très politiques, parce que là on va, c'est un chant en l'honneur d'un député, parfois un peu oublié, mais par contre très connu, puisqu'il a donné son nom à une station de métro à Paris. Armand Barbès. Bref, il y a une réclame électorale qui en parle de lui, notamment dans le Républicain de l'Aude, l'édition du 9 avril 1848, puisqu'il y a une élection hyper importante à l'époque. Et donc, il faut absolument que pour des militants socialistes, faire basculer cette paysannerie qui découvre en fait la Seconde République du côté justement de cette République. On va voir de quelle République on parle. Et donc, on a un exemple de réclame électorale. Donc, voici dans le tête du Républicain de l'Aude. Et il est dit dans ce journal, à propos de Armand Barbès, il est l'un de ces caractères antiques dont la vie n'a été qu'un long sacrifice fait à la liberté, une abnégation de chaque jour faite à la patrie, une crucifixion endurée pour le triomphe des principes démocratiques. Il a conquis pour la République toutes les gloires de l'adversité, toutes les majestés du malheur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase. Les limites de l'indigestion. Oui, alors, ces gens de feuillets, ils pouvaient en circuler des centaines de milliers grâce justement à des colporteurs, aussi des militants qui parcouraient en fait tout le pays, tout le territoire, et qui avaient vraiment pour mission, c'est vraiment une mission, hein, de justement faire ancrer justement cette expérience républicaine chez les gens qui étaient encore sous le joug, on va dire ça comme ça, du clergé, des nobles, des notables. Et donc, pourquoi je vous parle de Armand Barbès ? Déjà, il a été élu, ça c'est pas mal pour le début de cette Seconde République qui est un peu compliqué. Et surtout parce qu'il y a une chanson électorale qui va célébrer cette victoire. C'est là où c'est assez intéressant. Alors, comment on fait une chanson électorale ? On va prendre une mélodie du coin. Là, c'est une mélodie qui ressemble à une valse. C'est une valse, je pense. Et une mélodie un peu chouette, donc on va la prendre en majeur, voilà, bien tonal, bien majeur, un peu compliqué presque. Et on va créer des couplets tout à fait amusants. Et les couplets là en question, c'est ah mon Dieu, Louis-Philippe, si on le savait, si on avait su, on t'aurait brûlé tout vivant. Ah, tu nous as bien dressé, tu as ruiné la France, tu nous as tout volé, tu vois, voilà. Et donc après, il y a cette chanson qui a été collectée par Laurent Cavalier, qui fait « I see Armand Barbès at Asto solide ». Ici, nous avons Barbès, député de l'Aude, et il a la tête bien solide. Vous pouvez deviner qu'un roi n'a pas eu la tête solide. En tout cas, ça fait bien sûr référence à Louis XVI. Chanson électorale, mais aussi une chanson mémoire, puisque elle, comme on dit, loue, on va dire, le sacrifice d'un homme. Alors, il a vraiment passé un tiers de sa vie en prison, en exil, donc c'est quand même pas rien. Dès qu'il a pu faire une insurrection pour prendre d'assaut l'Assemblée nationale, il a fait. Dès que celle-ci prenait un tournant conservateur. Et donc, voilà, ça retrace un peu le parcours haut en couleur de ce personnage qui est resté assez intègre. Voilà. Donc, de notre part un hommage à cette personne qui a payé chèrement ses engagements sociaux et politiques. Et ouais, voilà. Oui, c'est là, il fallait absolument transitionner. Du coup, il faut que je parle un petit peu. Qu'est-ce que j'en ai d'autre ? On va arrêter là le cours d'histoire. Non, c'était le pire et le meilleur ami d'Auguste Blanqui, qui était le gars qui faisait toute la révolution en Chouvet. Et ils se sont vachement brouillés, donc, les deux, justement, au moment où éclate la Seconde République, voire un peu avant. Et ça a participé un peu au cloisonnement et aux luttes intestines des militants socialistes et révolutionnaires au début de la Seconde République. Voilà. C'est chiant les grandes histoires. Ça, à la fin, c'est un tambourin à cordes. Ça vient des larmes. Ah non, c'est toi qui fais le petit. Ah non, c'est moi qui fais le petit. Ah, c'est Babion, ça pue. As-tu Louis-Philippe Autorium brûla tout bio. Et vive la République. Tu t'es chasse plein graisse à Zabouina la France. A nous bastoupana, Zabouina la France. Ah, c'est Babion, ça pue. As-tu Louis-Philippe, Torion brûla tout bio. Et vive la République. Ainsi, y'a même la messe à la veste au solido, et nous avions pour maître parmi la grande ville. Tout est fontis rembla, tout il est royaliste, des bouts à la magarde, y'a du Nizza guérito. Ainsi, y'a même la messe à la veste au solido. Viol per qui come Gesù d'Amparo che fuggio pa servì a tutti scomandavo ma che sa che missio e se danne di suito se me mi tira dielo vivo la Repubblico a si a me barbers a la testo solido. Babion sa pu, as-tu Louis-Philippe, Torion brûla tout bio, vive la République. Tu t'es chasse blague d'Aïssa, Zabouina la France, à nous bastoupana, à Zabouina la France. As-tu Babion sa pu, as-tu Louis-Philippe, Torion brûla tout bio. Vive la République, ainsi y'a même la veste, à la testo solito, ça m'a n'a pas tremblé devant Louis-Philippe, quand tout s'est condamné, de tout à quel équipe, et la crina plein froid. Vive la République, ainsi y'a même la veste, à la testo solito. Ainsi y'a même Barbès, à la testo solito. Zamana passe comme là, d'avant Louis-Philippe. Quand Fousquet condamna, de tout à quel équipe, et la cri d'appelant fort, vive la République. Ainsi y'a même Barbès, à la testo solido. C'est quelque chose de bizarre de chanter Vive la République dans un local anarchiste. Détente, hein, c'est chaud. Vous chantez la République ici, ça me fait drôle. Oui. Non, voilà. Enfin, encore une fois, c'est ce que j'expliquais un peu avant, c'est bon, de quelle république on parle, et puis à l'époque, il y avait vraiment la croyance d'une république sociale, travailleur, voilà. Donc c'est peut-être celle-là, en fait, dont il est question ici. Non, la chanson suivante. une chanson d'un émeutier, quand nous sommes dans l'escalade aérienne. Donc on se balançait toujours le côté. Voilà. Elle nous a fait penser aux gilets jaunes, en fait, cette chanson. Pourquoi elle nous a fait penser aux gilets jaunes? On parle de gens qui participent des révoltes et ensuite qui voient leur motivation confisquée par des personnes qui finalement ont des vues politiques de gouverner et oublient les raisons fondamentales des révoltes. Ouais, une chanson que j'aime beaucoup. Parce que au départ, j'ai pas très bien compris les paroles, parce que je pensais qu'elle s'adressait à la monarchie ou à une république conservatrice. En fait, pas du tout. Elle s'adresse aux faux révolutionnaires. Donc, elle s'adresse aux vendeurs d'idées, marchands d'esprit, braille-maille et les sournettes, donc ceux qui braillent des bêtises, qui, grosso modo, prêchent l'égalité et qui, en fait, ce que dit la chanson, c'est que quand vos voitures deviendront des charrettes, là je vous dirai, alors oui, vous dites la vérité. C'est vrai que vous faites les sans-culottes, mais par-dessous, vous avez un caleçon. Voilà, tant que vous pouvez nous tirer les garottes, donc nous faire nos poches, en fait, pour avoir le sous, et bien, vous fournissez tout et pas grave la façon, on vous donne tout et on paye l'addition. Et ouais, des couplets, pareil, en fait, on va trouver beaucoup de choses qui reviennent souvent dans la chanson politique d'expression populaire, paysanne. Une dialectique, une opposition pardon, entre nous paysans, nous apportons la bouffe, nous faisons vos laines, il y a aussi quelque chose comme des canuts, hein, qui sont vos... Chasuble d'or, voilà. Et là, c'est pareil, nous nourrissons les moutons pour faire vos draps, vous mangez le poisson, nous avons fait les arêtes. Voilà, il y a des choses... Tout le temps revient comme ça, il y a... On nous appelle pour défendre la frontière. Donc on est soldats, et même si on n'a rien dans notre sac, on y va quand même faire la guerre. On vous donne la victoire, et c'est vous que les journaux, en fait, félicitez, ou comment on dit ça? Vous avez la gloire. Nous faisons tout, mais vous avez la gloire. Et ça continue comme ça. Il y a un couplet qui a été... celui qui l'a chanté, il y a eu quelques problèmes, puisqu'il a été... c'était chanté, pareil, c'est une chanson d'élection aussi. Il dit à un moment, j'espère un jour de voir ce que c'est l'égalité, alors nous écraserons votre trône de verre et à nos pieds, nous verrons vous prosterner. Et à chaque endroit, je ne l'ai pas mis parce que c'est un peu licencieux, à chaque endroit, il y aura une potence. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui est assez violent dans cette chanson. Et voilà, c'est très drôle. L'impôt pour vous faire vos poches, grâce, on vous donne tout, on paye l'addition, il y a toujours cette ritournelle, tout les scènes, tout les pagan façon. C'est vraiment une chanson, on a l'impression qu'elle pourrait être chantée aujourd'hui, quoi, un peu de choses près. Et bien, Kansun d'une Descalade Aérée, une chanson d'un dépaveur, on la retrouve en 1830 à Marseille et en 1849 à Arles, une période rouge, on la chante debout là. Ouais. Bravo. Bah non, on la descend les paroles maintenant. Ah. J'aurais dû faire ça pendant que je parlais. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Ah, celle-ci, je l'ai trouvée dans le fonds patrimoine de la Casa. Dans un hebdomadaire marseillais, en langue marseillaise, donc aussi comme marseillais, qui s'appelle La Sartan. Et il y a écrit juste, voilà, à Marseille, 1830. Et donc, dans ce journal, il y avait à chaque fois une petite chanson, une rubrique chanson. Et c'était des chansons, soit des compositions, soit des chansons connues. Et là, comme chanson connue, ces rédacteurs ont mis Canson des Escalades Aérées. Surprenant. Mais évidemment, elle était encore connue 50 ans après qu'elle a été chantée à Marseille. C'est dire sa popularité. Marchand d'esprit, bramaille de sonnette, au d'esprit lontain, prêchasse l'égalité. Quand Westicha deviendra une carrette, ou alors créera, qui dias la vérité. Est-ce qu'on verra, qu'elle fesse les cinq culottes, ma part d'arrière, vous mettez des garçons, tant que pouvez, nous tirez des garottes, fournissez tout, et pagaient la façon, tant que pouvez, nous tirez des garottes, fournissez tout, et pagaient la façon. Tout abandonna, ouest de Malou, donna la victoire, il est tombé. Mettons que ouest et nous, avec tout pas, nous avons sa gorge, il fournit sa gorge, et pas qu'un la passe. Avec tout pas, nous avons sa gorge, il fournit sa gorge, et pas qu'un la passe. Les familles étaient extrêmement difficiles, elles étaient ostracisées, c'était difficile de trouver un emploi. Et dans ce champ, le protagoniste, c'est un adolescent de 15 ans qui réalise que sa mère est obligée de se prostituer pour lui donner apporter le pain à lui et à sa sœur. D'où le titre Le pain maudit. Ouais, donc c'est une chanson de la Commune de Marseille, je veux dire, qui se rattache à l'expérience de la Commune de Marseille dans la mesure où ça a été chanté à Marseille, d'une part, ça c'est cool. Ça a été aussi chanté à l'occasion d'une campagne en faveur de l'amnistie des communards, donc chanson avec une thématique politique, avec aussi une revendication, dit représentants, députés. Nous écrivons sous notre bandière, sous notre drapeau, sous notre banderole, si vous voulez, « Le pauvre enfant mange le pain maudit ». Et on est donc dans une chanson vraiment en thématique politique, mais c'est un paysan des Bouches-du-Rhône de Trèves qui l'a composée, justement, pour participer à cette campagne en faveur de l'amnistie. Et c'est un paysan, Aristo Bulbo, qui est assez surprenant, paysan, philosophe, mauvaise réputation, parce que quand il laboure son champ avec son âne, et puis en fait, il travaille dans le champ avec son âne, et quand il a envie d'arrêter pour composer, ben, il s'arrête, il compose des chansons, ou discute avec quelqu'un des philosophies, ce qui fait qu'il n'était pas hyper apprécié chez les propriétaires du coin. Et il a écrit des chansons voilà, en faveur des mineurs aussi, parce qu'il y a eu des mineurs, il y a un passé minier hein, dans les Bouches-du-Rhône. Et voilà, donc on a une belle pièce en faveur de l'amnistie des communards. Il don dinero. Oh, pero no me venes a cubrir. Representar es el ciudadano. Lupaube, lo pa mardi. Le chien du 4 avril, c'est un chanteur marseillais qui l'a composé, et, pareil fin 19e, et plutôt que de raconter son expérience de la commune, sa participation, il va en fait utiliser la métaphore d'un chien qui lui revient en mémoire lorsque les souvenirs de la commune aussi surgissent. Et toute la chanson se construit autour de cet animal. Et ce chien, il est, en fait, ça raconte plutôt l'idée que c'est bien après la commune. Il a arrêté en fait, d'être militant, il a arrêté de faire la chose politique. Il ne s'occupe plus de politique, il dit le texte. Et sinon, il deviendrait trop énervé. Il aurait peur de perdre la tête. Et par contre, le souvenir du chien lui reste. La connexion nostalgique à ce chien fougueux, à ce besoin de révolte, d'agir. On s'aperçoit dans la chanson qu'il y a eu la répression, que sa famille a dû en souffrir, et que, bah, il est rangé, c'est plus de plus politique, mais qu'en fait, il est bien conscient de cette chose qu'il a encore en lui. Un texte un peu particulier au niveau des paroles, il y a plusieurs interprétations possibles, en tout cas c'est celle que nous on a pu en faire. Allez. Ouais. Je me mêle pas de politique. Sur vous êtes, je tire le rideau sans faire aucun commentaire. Sinon, je deviendrai trop furieux. J'aurai peur de perdre la tête. Voici le chien des 4 avril. C'est le souvenir qui me reste. Tout est couneil, c'est l'animal. Et nous, si l'été, sa nature. A vivaté, loup féricain, au fond d'une entente de Mazupo. Quand loup regarde, tout jourdieu. A qui outina fa des conquestos, des affaires dans 4 avril. Le qui messier, c'est que mi resto. Son veste est d'arbre, marissant, l'être écarté par un muraille. Là, il se safre, mes 12 enfants, dit les coussins du lier des paillots. La baisse, il a gardé perrier. À l'instant, des gunes la détestent. Va qui grand, jour d'un 4 avril. Va qui messier, c'est que mi resto. Sang, entre ces 4 murailles, laisse sa femme et 2 enfants sur un lit de paille. La bête, je la garde pour moi. À la maison, personne ne la déteste. De ce grand jour du 4 avril, voici le ce qui me reste. Les timides, comme mon néfant, les faces audrées, comme son estré. Tu nous fais la vie triomphant quand l'île Paris semble l'est. Alors sans toi, l'ouvia surier ous, t'as pas fort mère ou semble festa. Si rappela d'au 4 avril, est-ce le souvenir qui resta? Je parle un peu de l'ancienne Farigoule. C'est un chant qui était. On connaît la mélodie en fait. La mélodie est très connue, c'est la Carmagnole. Donc on sait que ce texte a été chanté sur la Carmagnole. Vous savez ce que c'est la Carmagnole? Vive le sang, vive le sang. Ouais, Madame Beto avait promis, Madame Beto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Quand on a la carmagnole, vive le sang, vive le sang. Quand on a la carmagnole, vive le sang, vive le sang. Oh, vous avez chanté. Qui s'appelle la Carmagnole? Ouais, que c'était pas un chant du tout. Non. Loin de faire de l'anti-parisianisme primaire. C'est pas une chanson de Paris. Enfin, ça a été popularisé à Paris, mais la mélodie, certainement, c'est une ronde piémontaise, Carmagnole. Certainement, c'est le village dont c'était issu. Et comme il y a des échanges assez forts entre Marseille et Paris, notamment des migrations, il y a aussi une circulation de chansons et d'air. Certainement que des révolutionnaires en montant à Paris ont porté dans leurs axes cette petite R. Voilà. Et donc à la faveur de circonstances politiques assez badass, hein, quand même, la chute des Tuileries, la fin de la royauté, le début de la Première République, cette R a été chantée. Et voilà, donc c'est plutôt une mélodie plutôt du Sud. Alors, on ne va pas vous la faire sur l'air de la Carmagnole. Désolé. Et si vous avez envie, si vous voulez chez vous, vous pourrez chanter cette chanson. Alors, c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas planter la Farigoule là. C'est une chanson de républicain et la Farigoule, le teint, était l'emblème de ces républicains qui pouvaient le porter sur le vêtement. Vas-y. Là, de suite, en fait, on fait exactement l'inverse. C'est moi qui fais la servance à Mathias là. Et celui qui fait les miennes. Ouais, donc c'est une chanson électorale encore, donc en fait une victoire, et la victoire dans Luberon, c'est quoi? C'est ben encore une fois, plein de gens qui votent pour les listes de la montagne. La montagne, c'est l'extrême gauche, les socialistes, c'est tout ça. Et donc on en fait une chanson, et la chanson dit plantain la farigoule républicaine à la para. Plantons le thym, la République, elle, s'enracinera. Traguem la farandoule et la montagne fleurira. Nous faisons la farandole et la montagne fleurira. Alors, le thym, c'est un symbole qui est quand même assez rigolo, puisque c'est une plante de moyenne montagne qui s'enracine bien, qui en fait survit aux aléas climatiques. Et donc, ces républicains en fait s'approchent au thym et ce sont des idées qui sont un peu nouvelles. Et malgré l'aridité du contexte politique, cette idée-là républicaine est toujours là. Et donc, ce que disait Mathias, c'est souvent ça décore les cafés, les chambrettes, les cercles de travailleurs, et c'est devenu même l'emblème des républicains sociaux de Provence. On appelle ça le Parti démocrate. Voilà. Pour notre version, du coup, on choisit pas d'utiliser la carmagnole. Et s'il y avait déjà une circulation entre l'Italie, Marseille et Paris en ce qui concerne la culture populaire, c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, on a décidé d'utiliser les ressources du coin, c'est-à-dire des amis italiens, d'Italie du Sud, de Sicile, qui nous ont d'ailleurs transmis grandement la technique des tambourins. Et on va l'interpréter cette chanson en introduisant des calabraises, des pizzica. Pour la mélodie, je suis inspiré d'une chanson que chantait Zappaliala, que les gens ici connaissent, qui est venu faire un stage juste en face, à côté, à la Casa Consola. Voilà. Pour hommage. Et donc, remerciement à Maola Guerrera, qui est chanteuse 6e de Marseille, qui nous a transmis des techniques de tambourin. Allez, zoom! En 1849, en 1849, sautavant cumo de Grobio, et arriva la fin de mai, son estat frais et mal vengat. Car son cou a mancat, car son cou a mancat, car son cou a mancat. Là. On a un témoignage. Je pense que ça s'arrêtait comme ça, dans un champ. Comment? Bon, vas-y. Non, en fait, une autre façon d'illustrer l'utilisation de ce champ à des fins de manifestation publique, puis manifestation politique aussi, on a un rapport de la gendarmerie de Fort-Calquier dans les Basses-Alpes. Nous, sous-signé Rochebrun Étienne, maréchal des logis de gendarmerie, et Touche François, gendarme, tous deux à la résidence de Fort-Calquier, Basses-Alpes, nous trouvant en tournée dans la commune de Mannes, avons appris que les personnes dénommées ci-après, Chanceur Léon, sans profession, Latil Joseph, quartier, Galet Marius, propriétaire, Haudoyen Hippolyte, buraliste, domicilié et demeurant à Mannes, que le 21 octobre 1849, vers 9h du soir, 15 jeunes gens du pays ont parcouru le village en portant des torches à la main, chantant la Montagnard, la Carmagnole et autres chants patriotiques, en proférant les cris de « Vive le Drôlin, vive la montagne !» ou en prononçant à gorge déployée en langage du pays. Langage du pays, avec tout, stigmatique, je suppose. Plantarien, apparez-vous, le républicain et la République, la montagne fourrira. Puis ils se rendirent au café Latil, où ils restèrent jusqu'à 11h. Là, ils y chantèrent également les chansons mentionnées ci-dessus. En sortant, ils continuèrent à parcourir les rues jusqu'à minuit et demi, éclairés par des flambeaux. On va pouvoir terminer. Demandem que l'égalité. Demandem que l'égalité, une pour des fraternita, et une pour des fraternita, et pour ces violents travaillants, et pas nos petits enfants. L'y mettre en progrès, l'y mettre en progrès, l'y mettre en progrès. La plane t'y va pas, la plane t'y va pas, la plane t'y va pas. Farandole. Bah, on va terminer par une farandole. Bah, ouais. Allez, tout le monde se drôle. Ouais. sous le patronage de Louise Michel. Et de Henri Nerf. Et vous avez, on a parlé d'Henri Nerf, c'est lui là. Ouais, elle appartient. On l'a joué au début du répertoire, enfin, début, fait partie de notre répertoire, mais un peu à l'écart, puisque c'est un chant, une chanson un peu rigolote, sur quelqu'un qui imagine qu'est-ce qu'il a s'il gagne le gros lot, comme à Marseille. Comme... Salut, merci beaucoup. Bah, de rien, vous êtes bienvenue. Je me sens comme d'être la tête, c'est merci encore à vous, c'est tout le public. Merci surtout au CIRA de l'accueil. Merci à vous. Merci à vous. Venir chanter ici. Donc, je dois vous dire que vous avez battu le record, on n'a jamais eu autant de monde ici. Ah, 60, il y avait un peu moins, Lorenzo. Alors, okay. Bravo! Bravo.